Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641, Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Brève relation de voyage de la Nouvelle-France, fait au mois d'avril 1632 par le père Paul le Jeune, de la Compagnie de Jésus, envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la même compagnie en la province de France, d'après l'édition de Sébastien Cramoisi, publiée à Paris en l'année 1632. Relation de 1632, troisième et dernière partie. C'est assez parlé de leur cruauté. Disons deux mots de leur simplicité. Un sauvage, venant voir cet hiver le capitaine anglais et voyant que tout était couvert de neige, eut compassion de son frère, qui est enterré auprès de l'habitation des Français. Voilà pourquoi il lui dit « Monsieur, vous n'avez point pitié de mon pauvre frère. L'air est si beau et le soleil est si chaud, et néanmoins vous ne faites pas ôter la neige de dessus sa fosse pour le réchauffer un petit. » On eut beau lui dire que les corps morts n'avaient aucun sentiment, il fallut découvrir cette fosse pour le contenter. Un autre, assistant aux litanies que disaient quelques Français, et entendant qu'on disait souvent ces paroles « Ora pro nobis », priez pour nous, comme il ne l'entendait pas bien prononcer, il croyait qu'on disait « Caracona wabis », c'est-à-dire « du pain blanc ». Il s'étonnait que si souvent on réitéra ces paroles « Carocano ou abyss, du pain blanc, etc. » Il croit que le tonnerre est un oiseau, et un sauvage demandait un jour à un Français si on n'en prenait point en France. Lui ayant dit que oui, il le supplia de lui en apporter un, mais un fort petit. Il craignait qu'il ne l'épouvantât s'il eût été grand. Voici une chose qui m'a consolé. Un certain sauvage, nommé Lanas, qui demeurait auprès de nos pères et cultivait la terre, voyant que les Anglais le molestaient, s'était retiré dans des îles où il avait continué à cultiver la terre. Entendant que nous étions de retour, il nous est venu voir et nous a promis qu'il reviendra à se cabaner auprès de nous, qu'il nous donnera son petit-fils. Ce sera notre premier pensionnaire. Nous lui apprendrons à lire et à écrire. Ce bonhomme dit que les sauvages ne font pas bien, qu'il veut être notre frère et vivre comme nous. Madame Hébert nous a dit qu'il y a longtemps qu'il souhaitait notre retour. Plusieurs sauvages nous demandent des nouvelles du révérend père Lallemand, du père Masse et du père Brébeuf, qu'ils appellent fort bien par leur nom, et s'inquiètent s'ils ne retourneront point l'année qui vient. Ces bonnes gens ont confiance en nous, en voici un exemple. Le 6 d'août, M. Emery de Caen, nous étant venu voir notre petite maison, éloignée du fort une bonne demi-lieue, il demeura à dîner avec nous. Pendant que nous étions en table, voilà deux familles de sauvages qui entrent jusqu'au lieu où nous étions, hommes, femmes et petits-enfants. La première porte de notre maison étant ouverte, tout est ouvert. Les Anglais ont brisé les autres. Voilà pourquoi ces bonnes gens furent plus tôt dans la chambre où nous étions, qu'on ne s'en fût pris garde. Ils me voulaient prier de leur garder quelques bagages. Je remarquai leur patience, car, quoiqu'ils fussent en chemin d'un long voyage qu'ils allaient faire, jamais, néanmoins, ne nous interrompirent pendant le dîner, ni après, tandis qu'ils me virent avec notre capitaine. Ils s'assirent de part et d'autre, et je leur fis donner à chacun un morceau de pain, ce qu'ils aiment fort. Enfin, M. de Caen étant parti, l'un d'eux m'aborde et me dit « Agna quer capitana ?»« Mon frère, es-tu capitaine ?» Ils demandaient le supérieur de la maison. Ils appellent leur capitaine Sagamo, mais par la fréquentation des Européens, ils se servent du mot de capitana. Notre frère leur répondit « Coco », c'est-à-dire « oui ». Là-dessus, il me fait une harangue me disant qu'il s'en allait à la chasse ou à la pêche des castors, et que je leur gardasse leur équipage, qu'ils reviendraient quand les feuilles tomberaient des arbres. Ils me demandèrent fort souvent s'il n'y avait point de larrons en notre maison, et regardaient fort bien les endroits où leurs bagages seraient plus à couvert. Je leur répondis que tout était chez nous en assurance et, leur ayant montré une chambrette qui fermait à clé, ils furent fort contents, mettant là-dedans 3 ou 4 paquets couverts d'écorce d'arbres fort proprement, disant qu'il y avait là-dedans de grandes richesses. Je ne sais ce qu'il y a, mais au bout du compte, toutes leurs richesses ne sont que pauvreté. Leur or et argent, leurs perles et diamants sont de petits grains blancs de porcelaine qui ne paraissent pas grand-chose. Ayant serré leurs bagages, ils me demandèrent un couteau. Je leur en donnai un. Puis, ils me demandèrent un peu de ficelle pour attacher après un fer de flèche ou un dard qui a des dents comme une crémaillère. Ils lancent ces dards contre le castor et tiennent toujours le bout de ficelle, le laissant filer jusqu'au fond de l'eau où se retire le castor blessé, lequel, ayant perdu son sang, s'affaiblit. Ils le retirent par cette ficelle qui ne quitte jamais qu'il n'est leur proie. Leur ayant donc fait présent d'un morceau de ficelle, ils me dirent « Anya Capitana, Ouyas, Ouyas Amiscou. Mon frère le capitaine, nous t'apporterons la chair d'un castor. » Ils me firent très bien entendre qu'elle ne serait point boucanée. Ils savent bien que les Français n'aiment point leur boucane. C'est de la chair séchée à la fumée. Ils n'ont point d'autre sel que la fumée pour conserver leur viande. Un autre sauvage, étant encore à Tadoussac, m'apporta 2 bouteilles de vin pour lui garder dans ma cabane. Comme il tardait longtemps à les venir requérir, j'avertis le père de nous et notre frère que, s'il s'adressait à eux, qu'ils me l'envoyassent, je craignais qu'ils ne les prient pour moi. Mais il ne se trompa point. Le soir, comme je disais mon bréviaire, il se vint asseoir auprès de moi et attendit que j'eusse achevé. Alors, il me tira et me dit « Anya Cabana, mon frère, allons à ta cabane. » Je l'entendis bien et lui rendis ses bouteilles qui lui avaient coûté de bonne peau. Ces exemples font voir la confiance qu'ils ont en nous. En vérité, qui saurait parfaitement leur langue serait puissant parmi eux. Je suis devenu régent en Canada. J'avais, l'autre jour, un petit sauvage d'un côté et un petit nègre ou mort de l'autre auquel j'apprenais à connaître les lettres. Après tant d'années de régence, me voilà enfin retourné à l'ABC, mais avec un contentement et une satisfaction si grandes que je n'eusse pas voulu changer mes 2 écoliers pour le plus bel auditoire de France. Ce petit sauvage est celui qu'on nous laissera bientôt tout à fait. Ce petit nègre a été laissé par les Anglais à cette famille française qui est ici. Nous l'avons pris pour l'instruire et le baptiser, mais il n'entend pas encore bien la langue. Voilà pourquoi nous attendrons encore quelque temps. Quand on lui parla de baptême, il nous fit rire. Sa maîtresse, lui demandant s'il voulait être chrétien, s'il voulait être baptisé, et qu'il serait comme nous, il dit que oui. Mais il demanda si on ne l'écorcherait point en le baptisant. Je crois qu'il avait belle peur, car il avait vu écorcher ces pauvres sauvages. Comme il vit qu'on se riait de sa demande, il repartit en son patois, comme il put. « Vous dites que par le baptême, je serai comme vous. Je suis noir et vous êtes blanc. Il faudra donc monter la peau pour devenir comme vous. » Là-dessus, on se mit encore plus à rire, et lui, voyant bien qu'il s'était trompé, se mit à rire comme les autres. Quand je lui dis qu'il prit sa couverture et qu'il s'en retourna chez son maître jusqu'à ce qu'il entendît mieux la langue, il se mit à pleurer. Il ne voulut jamais reprendre sa couverture. Je lui dis qu'il s'en alla au fort avec le père de nous, qui s'y en allait. Il obéit, mais on le rendit en passant à son maître, qui ne s'en peut pas longtemps passer, autrement nous l'aurions retenu avec nous. Sa maîtresse lui demanda pourquoi il n'avait point rapporté sa couverture et répondit « Moi, point baptisé, point couverture. » Il disait, « Viens, baptise-toi et moi, point baptisé. Moi, point baptisé, point retourné, point couverture. » Il voulait dire que nous lui avons promis le baptême et qu'il ne voulait point retourner qu'il ne l'eût reçu. Ce sera dans quelque temps, s'il plaît à Dieu. Je supputais l'autre jour combien le soleil se lève plus tôt sur votre horizon que sur le nôtre, je trouvais que vous aviez le jour 6 heures et un peu davantage, plus tôt que nous. Nos mariniers comptent ordinairement 17 lieues et demie pour 1 degré de l'équinoxial et tout autre grand cercle, et d'ailleurs, font état qu'il y a d'ici jusqu'à vous 1000 lieues et davantage, qui feront, par conséquent, 57 degrés et 12 minutes d'un grand cercle, sur lequel se doit compter le droit chemin qu'il y a d'ici à vous. Supposant donc notre latitude de 46 degrés et 2 tiers, la supputation faite exactement par la résolution d'un triangle qui se fait sur la Terre entre nos deux lieux et le pôle, nous donnera 91 degrés et 38 minutes pour l'angle qui se fait au pôle par nos deux méridiens et, par conséquent, pour la pièce de l'équinoxial, qui est la mesure du dit angle, laquelle est justement la différence de nos longitudes. Or, de ce nombre de degrés étant réduit en temps, contre une heure pour chaque 15 degrés, nous aurons 6 heures et 6 minutes pour le temps que le soleil se lève plus tôt chez vous que chez nous. Si bien que, quand un dimanche vous comptez 3 heures du matin, nous ne sommes encore qu'à 9 heures du samedi au soir. J'écris ceci environ les 8 heures du matin, et vous avez 2 heures après-midi. Que si, avec les géographes, pour un degré d'un grand cercle, on comptait 25 lieues, comme on fait ordinairement des lieues françaises de moyenne grandeur, alors, nos 1000 lieues ne feraient que 40 degrés de droit chemin d'ici à vous, et, par conséquent, la supputation, faite comme dessus, ne donnerait, pour la différence de nos longitudes, que 61 degrés et 38 minutes, c'est-à-dire 4 heures et 6 minutes de temps. Au reste, ce pays-ci est très bon. Sitôt que nous sommes rentrés en notre petite maison, environ le 13 de juillet, nous avons fouillé et bêché la terre, semé du pourpier, des navets, planté des fesoles. Tout n'a point tardé à lever. Nous avons, bientôt après, recueilli de la salade. Le mal était que nos graines étaient gâtées, je dis d'une partie, savoir-est qu'on a envoyé à M. Duplessis, car celles que notre frère a apportées ont très bien réussi. Vous serez étonnés de voir quelque nombre d'épis de seigle qui se sont trouvés parmi nos pois. Elles sont plus longues et mieux grainées que les plus belles que j'ai jamais vues en France. Vendredi dernier, 20 août, jour de Saint-Bernard, étant allé voir un malade à notre bord, c'est-à-dire à notre vaisseau, pour aller, de là, saluer M. de Laralde et le capitaine Morieux, nouvellement arrivé, je pensais être noté, avec deux Français qui étaient avec moi dans un petit canot sauvage, dont nous nous servons. La marée était violente. Celui qui était derrière, dans ce canot, le voulant détacher du navire, la marée le fit tourner, et le canot, et nous aussi. Nous voilà tous trois emportés par la furie de l'eau au milieu de cette grande rivière de Saint-Laurent. Ceux du navire crient « Sauve! Sauve! Au secours! » Mais il n'y avait point là de chaloupe. Nous attrapons le canot. Comme je vis qu'il tournait si fort que l'eau me passait de beaucoup par-dessus la tête et que j'étouffais, je quittai ce canot pour me mettre à nager. Je ne suis jamais bien ce métier, il y avait plus de 24 ans que je ne l'avais exercé. À peine avais-je avancé de 3 brasses que, ma soutane m'enveloppant la tête et les bras, je m'en allais à fond. J'avais déjà donné ma vie à notre Seigneur sans lui demander qu'il me retirât de ce danger, croyant qu'il valait mieux le laisser faire, j'acceptais la mort de bon cœur. Bref, j'étais déjà à demi étouffé quand une chaloupe, qui était sur le bord de la rivière, et deux sauvages accoururent dans leur canot. Il ne paraissait plus qu'un petit bout de ma soutane. On me retira par là. Et si on eût encore tardé un pas à terre, j'étais mort. J'avais perdu tout sentiment pour ce que l'eau m'étouffait. Ce n'était point d'appréhension, je m'étais résolu à mourir dans les eaux dès le premier jour que je mis de pied dans le vaisseau, et j'avais prou exercé cette résignation dans les tempêtes que nous avons passées sur mer. Le jugement me dura tant que j'eus des forces. Il me semble que je me voyais mourir. Je croyais qu'il y eut plus de mal à être noyé qu'il y en a. Bref, nous fûmes tous trois sauvés. J'en suis resté indisposé de l'estomac, j'espère que ce ne sera rien. La volonté de Dieu soit faite, cela ne m'étonne point. Deux Anglais s'étant noyés dans ces canots faits d'écorce, qui sont extrêmement volages, le capitaine Kerr fit faire un petit bateau de bois pour passer de notre maison au fort, car il y a une rivière entre deux. Je croyais que ce bateau nous demeurerait, celui qui s'en est saisi l'avait promis au père de nous, mais depuis, il s'est ravisé. S'il nous l'eût donné, cela ne serait pas arrivé. Patience, il importe peu où on meurt, mais si bien comment. Demain, 25 août, je dois baptiser un petit enfant iroquois qu'on doit porter en France pour ne retourner jamais plus dans ce pays-ci. On l'a donné à un Français qui en fait présent à M. de la Rade. C'est assez, nous sommes si empressés que je n'ai gardé aucun ordre en ce narrat. Votre révérence m'excusera, s'il lui plaît, je la supplie de secourir ces pauvres peuples qui sont en bon nombre. Les Canadiens, Montagnards, Hurons, Algonquins, la nation de l'ours, la nation du Petun, la nation des sorciers et quantité d'autres. Je vis arriver les Hurons. Ils étaient plus de 50 canots. Il faisait fort beau voir cela sous la rivière. Ce sont de grands hommes bien faits et très dignes de compassion, pour ne connaître pas l'auteur de la vie dont ils jouissent et pour n'avoir jamais ouï parler de celui qui a donné sa vie et répandu son sang pour eux. Je pensais conclure ce petit narré le 24 d'août, mais ce ne sera qu'après le baptême du petit enfant. Je viens donc de le baptiser. Monsieur Emery de Caen est son parrain, Madame Couillard, fille de Madame Hébert, est sa marraine. Il a nom Louis. Aussi a-t-il été baptisé le jour de Saint-Louis. Ce pauvre petit, qui n'a environ que 4 ans, pleurait incessamment devant le baptême et s'enfuyait de nous. Je ne le pouvais tenir. Sitôt que j'eus commencé les cérémonies, il ne dit pas un mot. Il me regardait attentivement et faisait tout ce que je lui faisais faire. Je croyais qu'il fût iroquois, mais j'ai appris qu'il est de la nation du feu. Son père et sa mère, et lui, ont été pris en guerre par les Algonquins qui ont brûlé les parents et donné l'enfant aux Français. Louis, jadis à Montacha, nous est venu voir. Il nous a promis qu'il viendrait l'année suivante pour s'en retourner avec le père Brébeuf en son pays. Il a l'esprit et me témoignait qu'il avait de bons sentiments de Dieu. Cette nation est rusée. Je ne savais qu'en dire. 1000 recommandations au saint sacrifice de votre révérence et aux prières de toute sa province. De votre révérence, très humble et obéissant serviteur selon Dieu, Paul le Jeune. Du milieu d'un bois de plus de 800 lieues d'étendue, à Québec, ce 28 août 1632.